Chapitre 17e. Madame Bastien ne pouvait plus douter du projet de Frédéric. Elle l'avait vu ajuster Raoul de Pontbriand en disant « Tiens, monsieur le marquis !» Ce guet-apens paraissait à la fois si lâche, si horrible à la malheureuse femme que, malgré l'évidence des faits, elle voulut encore douter de cette effrayante découverte. Frédéric s'était brusquement relevé après le premier saisissement causé par la vue et par l'étreinte de sa mère. Debout, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux fixes et sombres, les traits couverts d'une pâleur livide, que la clarté bleuâtre de la lune faisait ressortir encore, il restait muet, immobile comme un spectre. « Frédéric, » lui dit Madame Bastien, dont les lèvres tremblaient si fort qu'elle mettait une pause entre chaque parole, « que faisais-tu là, mon enfant ?» L'adolescent demeura silencieux. « Tu ne me réponds pas. Tes yeux sont fixes, hagards. Tiens, « vois-tu, mon pauvre enfant, la nuit dernière, je t'ai entendu, tu as été si agité, tu souffres tant depuis quelques jours, que tu auras été pris tout à coup d'un accès de fièvre chaude, d'une sorte de délire. Et la preuve, c'est que tu ne sais pas seulement comment il se fait que tu te trouves ici. Tu es comme si tu t'éveillais d'un songe, n'est-ce pas, Frédéric ?» Madame Bastien, fermant volontairement les yeux plutôt que d'envisager une réalité terrible, tâchait de se persuader que Frédéric ne jouissait pas de sa raison. « Oui, je suis certaine, reprit-elle, que c'est à peine si tu as conscience de ce qui s'est passé depuis ton départ de la maison, n'est-ce pas ? Tu ne me réponds rien. Oui, je comprends. Ta pauvre tête est encore troublée. Reviens-toi, mon enfant, calme-toi, mon Dieu. Tu ne me reconnais donc pas ? C'est moi, ta mère ? Je vous reconnais, ma mère. Enfin, j'ai toute ma raison. Ah oui ? Maintenant, Dieu merci, mais pas tout à l'heure. Je l'ai toujours eu. Non, mon pauvre enfant, non. Je sais où je suis. Oui, à présent, tu te reconnais, mais pas tout à l'heure. Je vous dis, ma mère, que je sais pourquoi je suis venu ici, à 10 pas du poteau des quatre bras, me mettre à l'affût avec des balles dans mon fusil. Ah, bien. C'est cela alors, dit l'infortuné en feignant d'être rassuré. Jean-François le métayer ne s'était pas trompé, il me l'avait bien dit. Il avait bien dit quoi ? Que tu venais te mettre à l'affût, car à la nuit tombante, il t'avait vu entrer dans ce taillis avec ton fusil, et même il s'était dit « Tiens, voilà Monsieur Frédéric, il va sans doute braconner dans les bois de Pontbriand. » Lorsque j'ai appris cela, juge de mon inquiétude. Tout de suite, je suis accouru avec Jean-François. Tu conçois, car en vérité, tu es d'une imprudence folle, mon pauvre enfant. Tu ne sais non pas que les gardes, Monsieur le Marquis... » Ces mots de Monsieur le Marquis firent sortir Frédéric de son calme effrayant. Il serra les poings avec fureur et s'écria, regardant sa mère en face, avec une expression féroce. « C'est à l'affût de monsieur le marquis que j'étais, entendez-vous, ma mère ?»« Non, Frédéric, » répondit la malheureuse femme en frissonnant de tout son corps. « Non, je n'entends pas. Et d'ailleurs, est-ce que je comprends quelque chose à vos termes de chasse, moi ?»« Ah !» fit Frédéric avec un affreux sourire. « Je veux me faire comprendre. Eh bien !» Sachant que monsieur le marquis devait passer par ici ce soir à la nuit tombante, j'ai mis des balles dans mon fusil et je suis venu m'embusquer derrière cet arbre pour tuer monsieur le marquis lorsqu'il passerait. Comprenez-vous, ma mère ? À ces épouvantables paroles, madame Bastien eut un moment de vertige, puis elle fut héroïque. Appuyant une de ses mains charmantes sur l'épaule de son fils, elle lui posa son autre main sur le front en se disant d'une voix calme, très calme, et feignant de se parler à elle-même, comme sa pauvre tête est brûlante. Il est encore dans le délire de la fièvre, mon Dieu, comment le décider à me suivre ? Frédéric, d'abord stupéfait du langage et de l'apparente tranquillité de sa mère, après le terrible aveu qu'il venait de lui faire dans l'exaspération de sa haine, s'écria « Je vous dis que j'ai toute ma raison, ma mère, c'est vous autant que moi que je veux venger, et ma haine, voyez-vous, est... Oui, oui, mon enfant, je te crois. » dit madame Bastien en l'interrompant, trop épouvantée pour remarquer les dernières paroles de Frédéric. Puis, le baisant au front, elle ajouta de ce ton que l'on emploie lorsqu'on ne veut pas contredire les fous. « Oui, certainement, tu as ta raison. Aussi, tu vas revenir avec moi. Il se fait tard. Il y a longtemps que nous sommes dans ces bois. »« La place est bonne, » dit Frédéric d'une voix sourde. « J'y reviendrai. »« Sans doute, nous reviendrons, mon enfant. Mais tu comprends ?» Il faut d'abord commencer par nous en aller, n'est-ce pas ? Mais ma mère, ne me poussez pas à bout. Tais-toi, oh tais-toi, dit soudain Marie avec effroi en mettant une main sur la bouche de son fils et écoutant attentivement. « Entends-tu ? » reprit-elle. « On marche dans le taillis. Oh mon Dieu, on vient !» Frédéric ramassa son fusil. « Ah, je sais !» reprit la jeune femme dont l'alarme cessa après un moment de réflexion. « Je sais, c'est Jean-François. Il devait te chercher d'un côté, moi de l'autre. » Puis, appelant à demi-voix, « Est-ce vous, Jean-François ?»« Oui, Madame Bastien, » répondit le métayer que l'on ne voyait pas encore, mais que l'on entendait venir en écartant les branchages. « Je n'ai pas trouvé, Monsieur Frédéric. »« Rassurez-vous, mon fils est là, Jean-François. »« Ah, tant mieux, Madame Bastien, » dit le métayer, « car je viens d'entendre parler là-bas du côté de l'étang. Pour sûr, c'est une ronde des gardes de Monsieur le Marquis. » Ce disant, le métayer parut dans la clairière. Frédéric, malgré l'audace de sa haine, n'osa pas, en présence d'un étranger, répéter les menaces qu'il avait proférées devant sa mère. Il mit son fusil sous son bras, et toujours sombre, silencieux, il se disposa à suivre Madame Bastien. « Allons, allons, Monsieur Frédéric, » dit le métayer, « il ne faut pas tenter le diable. Les gardes de Monsieur le Marquis approchent. Vous êtes dans un fourré, votre fusil à la main. Il fait un clair de lune superbe pour les braconniers. C'est assez pour qu'on vous déclare procès-verbal. » Puis, s'adressant à Madame Bastien, « Je vais marcher devant, madame. Je connais une petite sente qui nous conduira droit et vite hors de Stailly, et du côté opposé à celui où l'on entend les gardes. » Les forces de Marie étaient à bout. Elle s'appuya sur le bras de son fils, qui, toujours concentré, ne lui adressa pas une parole. À son arrivée chez le métayer, la jeune mère, pâle, affaiblie, frissonnait de tous ses membres. Jean-François voulait absolument atteler son cheval à sa charrette pour reconduire Marie et son fils. Elle accepta cette offre car, brisée par tant d'émotions, elle eût été incapable de faire de nouveau à pied le long trajet qui séparait la métairie de sa maison où elle arriva avec son fils vers 9 heures du soir. À peine de retour, Frédéric chancela, perdit connaissance et tomba bientôt dans une violente attaque nerveuse qui porta l'effroi de sa mère à son comble. Cependant, aidée de sa vieille servante, elle donna tous les soins possibles à son fils qui fut transporté dans sa chambre et mis au lit. Durant cet accès spasmodique, et bien que ses yeux fussent fermés, Frédéric versa des larmes. Revenu à lui et voyant sa mère penchée à son chevet, il lui tendit les bras et la serra longtemps contre lui avec des sanglots déchirants. Puis, cette nouvelle crise passée, il dit se trouver plus calme et avoir surtout besoin de solitude et d'obscurité. Se tournant alors vers la ruelle de son lit, il ne prononça plus une parole. Marie, avec une rare présence d'esprit, avait, lors de son retour et pendant l'évanouissement de Frédéric, donné l'ordre de clouer en dehors les contrevents de la chambre où il couchait. L'on n'entrait dans cette chambre que par la sienne à elle, où elle se proposait de veiller toute la nuit, en laissant entr'ouverte la porte de communication. Elle n'avait donc pas à redouter jusqu'au lendemain quelque nouvel égarement de la part de son malheureux enfant. Elle n'était pas de ces femmes que la douleur paralyse et frappe d'irrésolution ou d'impuissance. Si épouvantable que fût la découverte qu'elle venait de faire, une fois seule, elle l'envisagea résolument, après avoir voulu se persuader un instant que son fils n'avait pas sa tête en lui en préméditant un crime exécrable. « Je n'en puis plus douter, » se dit-elle. Frédéric éprouve une haine implacable contre le jeune marquis de Pontbriand. Les ressentiments de cette haine, longtemps concentrés sans doute, sont cause du changement qui s'est opéré en lui depuis quelques mois. Cette haine est arrivée à ce point d'exaltation que mon fils, après avoir tenté de tuer M. de Pontbriand, n'a peut-être pas renoncé à cette horrible pensée. Voilà les faits. Maintenant, quelle circonstance mystérieuse a pu faire naître et développer chez mon fils cette rage contre un adolescent de son âge? Comment mon fils, élevé par moi, et qui naguère me rendait la plus fière, la plus heureuse des mères, en est-il venu à concevoir l'idée d'un tel crime? Tout ceci est secondaire. Je chercherai plus tard à résoudre ces questions qui confondent ma raison et me font douter de moi-même. Ce qu'il faut d'abord et à l'instant, c'est arracher mon fils à d'horribles tentations et l'empêcher matériellement de commettre un meurtre. Voilà ce qui est imminent. Et après avoir été sur la pointe du pied, prêté l'oreille à la porte entr'ouverte de la chambre de Frédéric, qu'elle entendit pousser un gémissement douloureux, après quoi il retomba dans un morne silence. Marie se mit à table et écrivit la lettre suivante à son mari. « À Monsieur Bastien, Je vous ai déjà écrit, il y a quelques jours, mon ami, au sujet de la mauvaise santé de Frédéric et du départ de l'instituteur que vous m'aviez autorisé à prendre. L'état de mon fils s'aggrave. Il me donne de sérieuses inquiétudes. Il est urgent de prendre un parti décisif. Je suis allé avant-hier consulter encore notre ami le docteur Dufour. Il pense que l'âge et la croissance de Frédéric causent son état nerveux, inquiet, maladif. Il m'a engagé à donner à cet enfant le plus possible de distraction, ou ce qui serait de beaucoup préférable, à le faire voyager. C'est à ce dernier parti que je m'arrête. Dans la complète solitude où nous vivons, il me serait impossible de donner aucune distraction à Frédéric. Il n'est pas probable que vos affaires vous permettent de nous accompagner ailleurs, où je désire conduire mon fils. En tout cas, je partirai avec lui. Marguerite nous accompagnera. Notre voyage durera 5 ou 6 mois, peut-être moins. Cela dépendra de l'amélioration de la santé de Frédéric. Pour 1000 raisons trop longues à vous énumérer ici, j'ai fixé mon départ à lundi prochain. Je serais parti demain si j'avais eu l'argent nécessaire. Mais j'ai employé, comme d'habitude, aux dépenses de la maison la somme que votre correspondant m'a fait tenir pour cet usage à la fin du mois dernier. Et vous le savez, sauf les 150 francs que vous me donnez mensuellement pour mon entretien et celui de Frédéric, je n'ai pas d'argent. J'envoie cette lettre ce soir à Blois par un express. Ainsi, elle gagnera 6 heures. Vous la recevrez après-demain matin. Je vous conjure de me répondre courrier par courrier et de m'envoyer un mandat sur votre banquier de Blois. Je ne sais quelle somme vous fixez. Vous connaissez la simplicité de mes habitudes. Calculez ce qu'il faut pour nous rendre ailleurs avec Frédéric et Marguerite par la diligence. Ajoutez à cela les petites dépenses imprévues du voyage et de quoi vivre ailleurs pendant les premiers temps de notre séjour. Je m'établirai là le plus économiquement possible. Je vous écrirai ensuite combien nous aurons à dépenser par mois. Ordinairement, la multiplicité de vos affaires sans doute vous empêche de me répondre ou rend vos réponses très tardives. Il n'en sera pas ainsi de cette lettre, vous en comprendrez l'excessive importance. Je ne veux pas vous alarmer, mais je dois vous le dire, l'état de Frédéric offre des symptômes d'une telle gravité que ce voyage peut être et sera, je l'espère, le salut de mon fils. Je crois vous avoir donné, depuis bientôt 17 ans, assez de raisons de compter sur la solidité de mon caractère et sur la tendresse éclairée que je porte à Frédéric, pour être assuré d'avance que vous approuverez ce voyage, si soudain qu'il doit vous paraître. Vous aiderez, n'est-ce pas, de tout votre pouvoir, à une résolution dictée par la plus impérieuse, la plus urgente nécessité. Je laisserai ici le vieil André. Il gardera la maison et fera votre service lorsque vous viendrez. C'est un homme très sûr, à qui je puis tout confier en mon absence. Ce voyage n'offre donc, sous ce rapport, aucun inconvénient. Adieu. Je suis très inquiète et très triste. Je termine promptement cette lettre afin de l'envoyer ce soir même. Lundi matin, au reçu de votre réponse, je vous écrirai. Je porterai moi-même la lettre à Blois. J'y serai vers 2 heures, afin de recevoir de votre correspondant l'argent nécessaire à notre voyage. Je prendrai le soir même la voiture de Paris, où nous ne resterons que 24 heures, pour de là gagner Lyon et continuer notre route vers le midi. Encore adieu, Marie Bastien. Ceci écrit, Madame Bastien donna l'ordre d'atteler le cheval et d'aller aussitôt porter cette lettre à Blois. Hors tour, l'on devait passer par Pontbriand, et il laissait un billet que Marie écrivit au docteur Dufour, afin de le prier de venir le lendemain et pour l'instruire de la crise nerveuse dont Frédéric avait été atteint. Resté seul, et après s'être plusieurs fois assuré de l'état de son fils, qui paraissait céder à une sorte d'assoupissement mêlé d'agitation, Madame Bastien réfléchit encore à la détermination qu'elle venait de prendre au sujet de ce voyage soudain, et le trouva de plus en plus opportun. Elle se demanda seulement avec angoisse comment faire pour empêcher Frédéric de la quitter un seul moment jusqu'au jour de leur départ. Minuit venait de sonner. La jeune mère était plongée dans la plus navrante méditation lorsqu'au milieu du profond silence de la nuit, il lui sembla d'abord entendre au loin le bruit du galop d'un cheval sur le chemin qui passait devant la ferme, puis que ce cheval s'arrêtait à la porte de la maison. Bientôt Marie n'eut plus de doute. L'on se mit à sonner violemment au dehors. L'heure était si indue que, s'imaginant que les gardes du marquis avaient connaissance du guet-apens tendu par Frédéric et que l'on venait peut-être l'arrêter, Madame Bastien se sentit saisie d'épouvante. terreur exagérée, terreur folle, mais hélas, excusable, dans l'état d'esprit où se trouvait la pauvre jeune femme. Aussi, lorsqu'elle eut entendu sonner, cédant à un mouvement machinal, elle courut fermer la porte de la chambre de son fils, en cacha la clé, et prêta de nouveau l'oreille avec une angoisse profonde. Depuis quelques moments, un bruit insolite régnait dans la maison. L'on frappa à la porte de la chambre de Madame Bastien. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « Moi, Marguerite, madame. Que me voulez-vous ? » ?»« Madame, c'est monsieur le docteur Dufour, il vient d'arriver à cheval. » Marie respira et rougit de ses folles craintes. Marguerite continua. « Monsieur le docteur voudrait parler à madame pour quelque chose de très pressé et de très important. « Priez, monsieur le docteur, de m'attendre dans la bibliothèque. Faites-y tout de suite du feu et mettez-y de la lumière. »« Oui, madame. » Mais réfléchissant qu'ainsi elle s'éloignait de son fils, madame Bastien rappela vivement la servante et lui dit « Je recevrai monsieur Dufour ici, dans ma chambre. Priez-le de monter. »« Oui, madame. » « Le docteur ici, à une pareille heure, » se dit madame Bastien, profondément surprise. « Que peut-il vouloir ? Il est impossible qu'il ait déjà reçu ma lettre. » Presque aussitôt, le médecin entra chez Madame Bastien, précédé de Marguerite, qui sortira discrètement. Les premiers mots de M. Dufour à la vue de Marie furent « Oh mon Dieu, qu'avez-vous ? Moi, docteur, mais rien. Rien ? » s'écria le médecin en regardant Marie avec une surprise douloureuse. Car depuis la veille, et surtout ensuite des terribles émotions de la soirée, les traits de la jeune femme avaient subi une altération profonde, saisissante. « Rien ?» répéta le docteur. « Vous n'avez rien ?» Madame Bastien, comprenant la pensée de M. Dufour à son accent et à l'expression de son visage, répondit avec une simplicité navrante. « Ah oui, je sais. » Portant alors un doigt à ses lèvres, elle ajouta à demi-voix, en montrant du regard la porte de la chambre de Frédéric. « Parlons tout bas, je vous en prie, cher docteur. Mon fils est là. Il dort, il a eu ce soir une cruelle crise. Je viens de vous écrire. Je vous priais de venir demain. C'est le ciel qui vous envoie. » Remis de la pénible impression qu'il avait ressentie à la vue du changement des traits de Madame Bastien, le docteur lui dit en baissant le ton de sa voix, « Puisque je viens à propos, je n'aurai donc pas à vous prier d'excuser cette visite faite à une heure si avancée. Peu importe, de quoi s'agit-il donc ? J'ai à vous entretenir de choses très graves qui ne peuvent souffrir au quart tard. C'est ce qui m'a forcé de venir chez vous presque au milieu de la nuit et au risque de vous inquiéter. Mon Dieu, qu'est-il donc ? Votre fils dort, n'est-ce pas ? Je le crois. Mais s'il ne dormait pas, pourrait-il nous entendre ? Non, si nous nous rapprochons de la cheminée et que nous parlions bas. Rapprochons-nous donc de la cheminée et parlons bas, reprit M. Dufour, car il s'agit de lui, de Frédéric. De Frédéric, répondit le docteur en allant s'asseoir à côté de la cheminée auprès de Madame Bastien. Et en effet, grâce à l'éloignement et à l'épaisseur de la porte de sa chambre à coucher, Frédéric ne pouvait et ne put entendre un mot de l'entretien suivant.